Rebecca aux manettes, Christophe et Francis au micro. C'est Prune de Blues, le meilleur du blues actuel. Bonjour Rebecca, Christophe et Francis, vous salue. L'Europe du blues se porte bien et finalement nous en avons sans cesse la preuve et c'est tant mieux. Par exemple, dans un registre, disons plus blues rock et aussi très féminin, la jeune Vanya Skye, ou Vanja Skye, je ne sais pas comment on prononce son nom exactement, d'origine croate et qui a déjà fait sensation avec son premier album en 2018. Vanja Skye revient avec un second disque nommé Woman Named Trouble, une confession peut-être, certainement d'ailleurs. Bon, en tout cas, l'opus contient 8 chansons originales, des compositions écrites avec le guitariste Robert Vent, qui est dans le groupe, et 3 reprises classiques. Et parmi ces reprises, eh bien, il y a le fameux Howell de Peter Green, et c'est celui que j'ai choisi pour ouvrir cette 4e session de Prune de Blues. I can't help the body shape I'm in, I can't sing, I am pretty and my legs are thin. But don't ask me what I think of you, I might not give you answer that you want me to. Talk to God, I knew he understand. He says, stick by me, I'll be your guiding hand. But don't ask me what I think of you, I might not give you answer that you want me to. Le chanteur harmoniciste Chris O'Leary a appris la musique à la dure, il a tourné pendant plusieurs années avec le rocker Levon Helms avant de se mettre à son compte et puis de former son propre groupe de blues, de rhythm and blues. On l'écoute ici dans un extrait de son disque de 2019 qui s'appelle What the Devil Made Me Do. Just be able to face the truth. said all the things that you're gonna need when I face the truth. Bad news. c'est un autre versant de ce renouveau de la soul depuis quelques années, avec une soul un petit peu plus énervée là, de Ellie Pepperboy Reed. Le morceau s'appelait News That You Can Use et il date de 2019. Oui, j'adore en effet ce Ellie Pepperboy Reed. Et tu sais, Christophe, qu'il a une petite fille de 2 ans et qu'il dit lui-même que bah, cette gamine lui a complètement changé sa façon d'aborder la musique. Il dit encore, avoir un enfant finalement modifie votre perception du temps et vous apprend à aller droit au cœur des choses. Super morceau, merci Christophe. Et maintenant, qu'est-ce que tu vas nous proposer ? Un renouveau de la soul certain depuis quelques années, et une soul très classique, issue de Memphis, des endroits légendaires de la soul. On écoute un fameux groupe qui s'appelle Durand Jones and the Indications, Morning in America, extrait de leur disque paru en 2019. Passons maintenant à un type assez original, il faut bien l'avouer, il s'appelle le révérend Freakchild. C'est un musicien, chanteur et compositeur basé à New York. Je crois qu'il a passé son enfance à Hawaï. Peut-être a-t-il été justement influencé par les musiciens hawaïens sur le jeu de guitare slidé. En tout cas, il est connu pour écrire et interpréter un style de blues incorporant en quelque sorte des éléments de musique psychédélique. Son 12e album se nomme étrangement The Bot It Sattva Blues, il faut le prononcer. Bot It Sattva signifie l'être éveillé dans le bouddhisme. Allez savoir où ça se lige dans la musique du référent Frickshall, mais en tout cas, l'artiste ressuscite, si je puis dire, peut-être du Nirvana, le blues classique, mais aussi la musique rock de la grande époque, notamment du Grateful Dead, dont il a invité certains des anciens musiciens, ou encore de Hot Tuna, dont il reprend le Hanoi Rider, un titre qui a eu son heure de gloire en 1969 à San Francisco, et que je vous livre avec, évidemment, des gerbes de fleurs hippies. Le révérend Frickshall. Well, I know you right are gonna miss me when I'm gone. Well, I know you right are gonna miss me when I'm gone. You're gonna miss your daddy from when you're gone. Well, I'm loving you, baby, yeah. We're loving you, baby. Easy running of a lot. Well, I need your man, but I sure won't be your dog. I was a headlight on that northbound train. I say I wish I was a headlight on that northbound train. I shine my light through the clear Colorado rain. Well, I know you right are gonna miss me when I'm gone. Well, I know you right are gonna miss me when I'm gone. Rest. And I tried to lay down last night to take my rest. But my mind was rambling like a wild geese in the west. Hey. Your daddy holding in your arms. But I know that light gonna shine in my back door someday. Well, I know that light gonna shine in my back door someday. And a wind gonna come blow my things away. Well, a wind gonna come blow my things away. I said, I'm ready. Okay, here we go. Poursuivons notre voyage au milieu du blues actuel avec un artiste de blues, bien sûr, de San Diego, en Californie, et qui s'appelle Chicken Bone Slim. 30 ans d'expérience tout de même, d'abord en tant que bassiste, et puis depuis 2011 en tant que guitariste-chanteur. Alors, Chicken Bone joue toutes sortes de blues électriques, originales et traditionnelles, souvent le mélangeant avec du swing et dans un esprit très Chicago blues, blues texan ou West Coast, donc pas mal de styles, et explorant beaucoup de thèmes, des thèmes justement qu'on retrouve sur son tout nouvel album nommé Sleeper, sorti sur Lo-Fi Mob Records au milieu du mois de mars, il y a peu de temps finalement, avec 10 compositions de blues, et explorant, comme je le disais tout à l'heure, différents thèmes comme l'amour, le pouvoir, même la politique dans la société moderne. Le disque a été enregistré dans les célèbres studios Grizzland, l'été 2019, avec le non moins célèbre Kid Anderson comme ingénieur du son, mais aussi comme musicien, et il y a aussi quelques invités comme Laura Chavez, la guitariste, et Joe Harris. Voici Chicken Bone Slim dans le premier titre de son album Sleeper, un blues texan nommé Vampire Baby. A dirty lie. I get up when the sun goes down. Here's the reason why I'm a vampire, baby, and I roam in dark of night. Gotta find me somebody to satisfy my appetite. I'll freeze you where you stand if you look me in the eye. If I get a little taste, I'll make it mine. Make me ill. When I strike a vein, I always get my fill. I'm a vampire, baby, and I roam in dark of night. Gotta find me somebody to satisfy my appetite. Twilight, you're in danger. Fog means I've arrived. My victims have no escape. Cross your heart, hope to die. I'm a vampire, baby, and I roam in dark of night. Gotta find somebody to satisfy my appetite. Vous êtes sur Prune de Blues, le goût du blues dans les oreilles. Didn't know what to do with me. me. In a ramshackle joint I had an epiphany. My life is not an artifact. Won't sell it out, y'all, and that's a fact. I'm a voodoo child, running wild. Don't you wanna go my way? Just a voodoo child, running wild. They say we're on hell's highway. I became a major folk discovery. The final quarter to the 20th century. Here to the throne of Jelly Roll. Jelly Roll. I was the darling of aficionados. Embrace hip-hop modernity. Modernity. No more primitivism. Absurdity. Absurdity. Hate to say I'm too draconian. Draconian. They wanna lock me deep in the Smithsonian. Smithsonian. I'm a voodoo child, running wild. Don't you wanna go my way? I'm just a voodoo child, running wild. They say we're on hell's highway. Yeah, I'm a voodoo child, running wild. Don't you wanna go my way? Just a voodoo child, running wild. They say we're on hell's highway. Voilà, c'était un peu de guitare tonitruante pour faire plaisir à l'ami Francis. Mais ça m'a fait plaisir, Christophe. Avec Chris Thomas King et une reprise un petit peu adaptée de Voodoo Child's On Hell's Highway, un disque de 2017. C'est Prune de Blues, le meilleur du blues actuel. Et la suite au prochain numéro.